Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous dresse le portrait d'animaux au destin extraordinaire qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Girafes ambassadrices, ours militaires et thylacines disparues sont au menu. J'aurai ensuite l'honneur et le plaisir de recevoir deux invités de marque, curieux, pathologiques et touche-à-tout, éclectiques, en plus de posséder deux voix merveilleusement radiophoniques. Je partage donc aujourd'hui le micro avec un duo. À ma gauche, Patrick Beau, auteur, conteur, veilleur, curieux professionnel, vidéaste et fondateur de la chaîne Axolot. Et à ma droite, Pierre Kerner, maître de conférences en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot et à l'Institut Jacques Monod, mais également vulgarisateur, blogueur, podcasteur et écrivain. Bonjour Patrick, bonjour Pierre et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On a longtemps pensé que les animaux étaient des coquilles un peu vides, régies par des mécanismes instinctifs et dénuées d'émotions. Des êtres robotiques, un peu mystérieux, uniquement programmés pour survivre, réalisant tous et invariablement les mêmes actions. Les scientifiques se sont longtemps concentrés sur des observations de comportements qu'ils pouvaient généraliser à l'espèce pour mieux la définir et la caractériser, la mettre dans une case, en somme. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à évoluer. On observe que certains individus osent s'approcher plus près des prédateurs que d'autres. Certains sont plus agressifs, d'autres plus farouches dans une même situation. D'autres encore sont plus facilement effrayés par la nouveauté et sont plus aptes à socialiser avec des congénères. Et si chaque animal était unique ? Même si la notion de personnalité chez l'animal est encore âprement discutée, elle existe bel et bien. Certains préfèrent éviter le sujet, tournent autour du pot, parlent de tempéraments ou de syndromes comportementaux, histoire d'éviter les associations anthropomorphiques qui découlent forcément d'un terme utilisé chez l'humain. Cependant, l'homme reste un animal comme les autres, et les premières études visant à comparer les résultats d'humains et d'autres animaux entre eux commencent à émerger. Mais comment définit-on la personnalité chez l'animal ? Rien que chez l'humain, des dizaines de définitions existent. Le psychologue américain Samuel Gosling, dans une revue de la littérature parue en 2008 dans le journal Social and Personality Psychology Compass, utilise cette version communément acceptée. La personnalité peut être définie comme les caractéristiques individuelles qui décrivent et rendent compte des schémas constants de sentiments, de pensées et de comportements. Ces caractéristiques sont répétables et stables dans le temps. La personnalité peut avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Les habitudes alimentaires des animaux, leur manière de réagir aux prédateurs, leur capacité à se reproduire, bref, leur survie. Chacun est donc bel et bien différent. Et oui, les faits sont là. Et ce, même chez le hanneton, la truite, la mouche rosophile, la hyène ou la seiche. Il aura fallu des années avant que l'on ne s'intéresse à cette question de l'individualité animale. Les premiers éthologues à donner des noms à leurs sujets d'étude, comme les primatologues Jane Goodall et Diane Fossey, sont moqués et accusés d'un criant manque de rigueur et d'objectivité scientifique. Des animaux uniques, acceptés par les humains pour leur individualité, pourtant, on en compte quelques-uns, même si, le plus souvent, ils sont sélectionnés et humanisés avant d'accéder à cette ultime postérité. Cadeaux diplomatiques, mascottes, emblèmes ou accessoires de luxe, on daigne leur donner des prénoms et inscrire leur destin hors du commun dans nos livres d'histoire, sous réserve de nous être intimement liés. À croire que sans nous, l'animal n'a pas de raison d'être. La girafe, offerte par le pacha d'Égypte au roi Charles X, est un exemple absolument marquant de distinct animal hors du commun. Capturée alors qu'elle n'est âgée que de quelques mois, elle arrive à Marseille en octobre 1826, après un long périple en bateau. Son cou est déjà si haut que l'on doit découper le pont du navire qui la transporte pour laisser dépasser sa tête de la cale où elle est installée. Arrachée à son groupe familial, elle voyage avec des vaches qui lui fournissent les 20 à 25 litres de lait dont elle a besoin tous les jours, et des antilopes, elle aussi capturée pour l'agrément. Pour l'amener au roi, on lui fait traverser la France à pied. Elle prend le chemin de Paris le 20 mai 1827, accompagnée de l'éminent professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui étudie cet animal vu pour la première fois en France. Elle arrive le 30 juin à Paris. Plus d'un mois après une marche harassante, rythmée et suivie par une foule de curieux ébahis et envahissants. 600 000 visiteurs viennent de partout pour lui rendre visite et une girafomania s'empare du pays. L'animal devient la coqueluche du tout Paris, orne les tenues, les assiettes, les calendriers et devient l'héroïne de pièces de théâtre et de chansons. L'engouement se poursuit jusqu'à la chute du souverain en 1830. Elle retrouve enfin un peu d'anonymat et est rejointe par une congénère en 1839 avant de s'éteindre à 20 ans de la tuberculose bovine dans la discrétion la plus totale. On peut aujourd'hui l'admirer au muséum de La Rochelle, en haut d'un escalier, seul vestige de sa gloire passée. Un autre destin d'animal hors du commun nous fait changer de contexte historique, celui de la Seconde Guerre mondiale, et révèle comment l'humain, en manque d'affection, peut forger l'animal à son image. L'histoire commence en mars 1942. Le général Anders dirige la 22e compagnie de ravitaillement de l'artillerie du 2e corps polonais, qui l'emmène au Moyen-Orient pour lutter contre les nazis. Au cours du périple, un soldat tombe sur un ourson brun, recueilli par des civils alors que sa mère a été abattue par des chasseurs. Charmé, il l'emmène avec lui et l'animal, baptisé Vojtek, devient la mascotte de la troupe. Les soldats le diront plus tard, comme eux, l'ours n'avait plus de foyer. Bébé, il est cajolé par les militaires, il amuse la galerie, dévore ses biberons de lait et fait la joie de tous. Puis il grandit, prend de l'ampleur et considère les humains comme ses semblables. Malgré ses 200 kilos et son 1,80 m, l'animal joue avec les soldats sans les blesser lors de parties de lutte mémorables et vit comme eux. Il boit de la bière et grignote des cigarettes. Quand la compagnie participe à la campagne d'Italie, l'ours est de la partie. Il doit prendre le bateau, mais le règlement l'interdit. Le haut commandement le nomme alors caporal et lui attribue un matricule officiel. Il est l'un des leurs pour de bon. La 22e compagnie adopte pour emblème le dessin de l'ours qui porte un obus entre ses pattes avant, car l'animal semblait, selon les dires de ses compagnons d'armes, vouloir les aider à décharger les munitions. Il part ensuite en Écosse, où il restera après la fin de la guerre. Hébergé au zoo d'Édimbourg, ses anciens frères d'armes lui rendent visite jusqu'à sa mort en 1963. Son aura est telle qu'en 2012, la capitale écossaise érige une statue à sa mémoire avant que la ville de Cracovie ne fasse la même chose l'année suivante. Un honneur à la mesure de ses aventures et de l'amour qu'on lui a porté. Bien d'autres personnalités animales émaillent ainsi notre histoire. De Chiquita, le guépard de Josephine Baker qui la suivait partout où elle allait, à Laïka, le premier animal vivant à aller en orbite, en passant par Ponch, le fameux éléphant du cirque Pinder, abattu en place publique et devenu la pièce maîtresse du muséum de Toulouse. Aujourd'hui, les scientifiques ne rechignent plus à nommer leur sujet d'étude, mais malheureusement, cette particularité est encore réservée à un petit nombre d'animaux. C'est le cas, par exemple, des derniers représentants de leur espèce, menacés d'extinction. Tous, avant de disparaître, se voient gratifiés d'un surnom, comme une dernière étreinte d'affection et un mea culpa un peu tard. On peut en citer quelques-uns, héros à la gloire posthume. Martha, le dernier pigeon migrateur, disparu en 1914 au zoo de Cincinnati, et Incas, qui partagera la même cache qu'elle, dernier représentant des conures de Caroline, seul perroquet nord-américain mort en 1918. Benjamin, le dernier thylacine, mort en 1936, Lonesome George, la tortue de l'île Pinta des Galapagos, éteint en 2012 à 100 ans, ou encore Nadjin et sa fille Fatou, les deux derniers rhinocéros blancs du Nord à vivre en liberté après la mort de Soudan, le dernier mâle sauvage disparu en 2018. Tous ont la chance de signer le glorieux registre et d'apposer leur nom dans l'histoire. Des animaux à la personnalité singulière, unique, portée au nu et acclamée avant de disparaître et sombrer dans l'oubli. La célébrité est à ce prix. Et nous revoici avec nos deux invités, Patrick Beau, auteur, conteur, vidéaste, fondateur de la chaîne Axolot, curieux professionnel, et Pierre Kerner, maître de conférences en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot et à l'Institut Jacques Monod, mais également vulgarisateur, blogueur, podcasteur et écrivain. Alors, pour commencer sur les chapeaux de roue, on parle aujourd'hui de votre ouvrage sur lequel vous avez collaboré tous les deux, qui est donc Nature secrète, qui est le troisième opus d'une trilogie richement illustrée qui est parue chez Dunod. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la série de ces ouvrages et nous expliquer comment est-ce qu'elle a vu le jour ? Alors, c'est une série qui a commencé en 2016 avec Terre secrète, qui était donc un livre consacré aux merveilles géologiques méconnues de la planète. Donc, un livre que j'avais écrit en collaboration avec le géologue et planétologue Charles Frankel. Ensuite, ce premier volume avait été suivi par Lieu secret, qui était donc le pendant architectural, on va dire, de Terre secrète. Donc, celui-ci, je l'avais écrit tout seul. Et pour Nature secrète, donc... On est resté dans cette ligne du merveilleux méconnu, mais cette fois-ci à travers le prisme du vivant. Et donc, ça s'est fait avec l'ami Pierre. Alors, c'était la question qui me titillait par la suite. Donc, cette trilogie, elle a vu, c'était votre impulsion à vous, Patrick, ou une volonté de l'éditeur enfin, L'éditrice m'a proposé, c'était en 2015, je crois, de collaborer avec Duno, tout simplement. Elle m'a demandé si j'avais envie d'écrire sur un sujet en particulier. Et puis donc voilà, moi j'avais cette idée en tête de réaliser un beau livre, comme il y en a des tas, sauf que généralement c'est toujours plus ou moins les mêmes classiques qu'on retrouve dans ce genre d'ouvrage. Et là j'avais envie donc de faire un livre consacré aux merveilles moins connues, et qui mériterait de l'être autant que les plus connues. Donc j'avais déjà accumulé pas mal de sites extraordinaires à travers mes recherches pour Axolot, et donc c'est comme ça que ça a démarré. Puis ensuite voilà, il y a une série entière qui s'est déclinée à partir de ça, toujours sur cette idée des choses à la fois merveilleuses et méconnues. Méconnues, complètement. Et donc, sur Nature secrète, vous avez travaillé à deux. Mmh. Alors, l'idée, c'était de savoir comment était née cette collaboration et comment est-ce que vous êtes coordonnés, comment est-ce que vous êtes répartis le travail. en fait, le projet Nature secrète a démarré juste après celui de Terre secrète. Ça aurait dû être le deuxième, en fait. Et puis, donc, il a été mis en stand-by parce que donc, la personne avec qui je devais collaborer n'a pas pu, finalement, participer. Donc, on l'a mis de côté. Et puis, donc, il a ressurgi il y a à peu près un an et demi de ça. Et donc, l'éditrice m'a proposé de le faire avec Pierre. Et puis donc j'avais déjà une base moi d'espèces, une base d'entrée, et donc on a revisité ça avec Pierre, on a raffiné tout ça, et puis voilà. Est-ce que vous avez choisi aussi bien l'iconographie que les textes? Comment ça s'est passé? Oui, exactement, c'est-à-dire que quand on a revisité la première sélection de 90 espèces qui avait été collectée juste après Terre secrète, ça avait permis, je pense, aussi de prendre un certain recul sur le choix de ces espèces. Et puis, moi, il fallait que j'arrive avec des propositions, pas seulement à fournir des anecdotes sur les bestioles qui avaient été choisies. Et donc, on a revisité ces 90 espèces, écarté certaines. Parmi ces 90 espèces, il y avait 50 qui ont finalement atterri dans le livre Nature secrète. Et moi, je suis arrivé avec une sélection de près de 400 espèces, vraiment très, très diverses et variées. Et parmi ces 400 espèces, on a choisi celles qui étaient les plus pertinentes, en écartant selon certains critères, celles qui n'étaient pas nécessairement esthétiques, celles qui n'étaient pas avec des anecdotes suffisamment pertinentes, et parfois aussi des problème d'iconographie, c'est-à-dire où on n'arrivait pas à trouver la photo qui convenait. Ouais, voilà. Parce que donc, dans le bouquin, vous présentez 100 espèces différentes, aussi bien donc, animales, végétales, champignons. Donc, comme vous le dites, vous en avez sélectionné certaines. Alors, c'était sur quels critères? On parlait d'émerveillement, etc. Donc, j'ai quelques bonnes idées, mais j'imagine qu'il y avait plusieurs points cruciaux à réunir pour élire les heureux sélectionnés. En fait, à travers toute la série, il y a trois critères vraiment principaux. Le premier, c'est que la photo puisse surprendre et émerveiller le lecteur. Bien sûr, il y a vraiment un effet wow immédiat sur la photo. Donc, il faut un aspect visuel étonnant et intéressant. Le deuxième critère, c'est qu'il faut évidemment que l'entrée choisie soit méconnue, voire inconnue du grand public, pour qu'il y ait une surprise à chaque page. Et le troisième critère, c'est qu'il faut avoir des choses intéressantes à raconter dessus. On ne pouvait pas simplement choisir une espèce parce qu'elle était belle ou rare. Il fallait en plus qu'il y ait par exemple un comportement surprenant ou un mode de reproduction inhabituel. Donc voilà, c'est ces trois critères qui ont fait qu'au final, même s'il n'y a que 100 espèces dans le bouquin, c'était difficile de les sélectionner. Ouais. moi, je me dis, comment vous avez fait pour être toujours d'accord? Parce que le choix est cornélien, quand même. Est-ce que vous avez dû négocier pour vos chouchous les uns et les autres, pour les inclure ou non dans le livre? Comment ça s'est passé? La sélection finale est drastique. Non, je pense que c'était en bonne intelligence. C'est-à-dire que bah, très, très rapidement, par exemple, j'avais proposé parmi ces 400 espèces que j'avais fournies, beaucoup d'espèces qui n'étaient pas très, très ragoûtantes. Donc, on les a écartées immédiatement. Et puis, au final, on essayait chacun d'apporter des arguments. Les détrices aussi arrivaient à faire des suggestions. Donc on s'échangeait ces différentes suggestions d'ajouts et d'entrées à l'intérieur de Nature Secrète. Mais à la fin, ce qui comptait véritablement, c'est que la magie, on va dire, c'est-à-dire que l'alchimie des trois ingrédients et des trois critères qui étaient fournis par Patrick fonctionne. En fait, c'est vraiment comme un qui-est, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on part sur une grande base au départ. Et puis ensuite, on élimine à coup de « est-ce que c'est merveilleux ? Est-ce que ça peut fournir une photo merveilleuse ?» Oui, non, boum, on fait tomber les trucs. Ouais. « Est-ce qu'il y a des histoires intéressantes à raconter ? » Oui, non, boum, boum, boum, boum. Et puis à la fin, bon, ben voilà, on se retrouve avec une sélection assez réduite. Mais vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre plus de champignons, plus d'insectes, etc., ça c'était libre à vous ? Ou il y avait un critère dans où il fallait un peu de poissons, un peu de mammifères, un peu de chaque ? Bah oui, il fallait quand même qu'il y ait un certain équilibre. Ouais. Même si forcément, pour les champignons, par exemple, c'est plus difficile d'en mettre autant que ce qu'il y a d'insectes ou d'animaux marins. On a dû négocier avec l'éditrice sur les araignées, par exemple. Elle craignait ça, et les serpents aussi. Ouais, moi, j'avais mis 5 araignées, 5 serpents. On a revu la baisse. Bah, c'est vrai que, parce que bien sûr, votre démarche, j'imagine, c'est l'émerveillement pour aussi susciter l'intérêt, la connaissance et peut-être voir la protection. Ça serait merveilleux, parce que toutes ces espèces, j'imagine, si elles sont méconnues, c'est aussi parce qu'elles sont rares. Mmh. Mais c'est vrai que l'émerveillement, est-ce qu'on peut le susciter? C'est des espèces qui vont créer la peur, comme les araignées ou les serpents. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus, sur des lecteurs ou sur qui ont eu peur? Ouais, qui vous ont fait la remarque, genre « Oh là là, cette bestiole-là, elle n'a pas sa place dans le livre, elle me fait peur », ou qui était... ouais. Bah alors, moi j'ai reçu des messages de gens justement qui se demandaient si, oui ou non, voilà, il y avait des araignées... On vous l'a demandé. Des arachnophobes, oui. Ouais. Mais le truc, c'est que voilà, les deux araignées qu'il y a dans le livre, pour moi, c'est vraiment des araignées qui peuvent réconcilier les arachnophobes avec les araignées, quoi, parce qu'elles sont très mignonnes, très belles. Donc, personnellement, non, j'ai eu aucun retour d'une personne qui aurait été effrayée par une espèce sélectionnée. Après, ouais. Si ça peut servir de thérapie, tant mieux. Hein. On a eu, lors de la sortie du livre, une personne qui avait très peur des animaux et qui, parce qu'elle savait que le projet permettait de réenchanter un tout petit peu la biodiversité, se forçait, poussait des petits cris, mais se forçait à regarder les images. Peur des animaux en général, tu vois. Oui, c'était n'importe quelle bête, ça lui faisait peur. Ouais, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un livre d'horreur pour elle. Alors après, je sais pas si les chiens et les chats, c'était vraiment ça, mais tout ce qui était, on va dire, invertébré, c'était immédiat. Ah oui, donc tous les invertébrés. Parce que je m'étais dit, si c'est du poisson ou oiseau, sa vie doit être compliquée quand même. Pareil pour les serpents, pareil pour les poissons. À un moment, elle a poussé un cri pour un poisson. Je dis, ah, voilà. et elle maintenait et elle était là. Bon, mais je vais me forcer, mais parce que c'est vraiment beau une fois qu'on la page est posée. Mais réflexe, cri. D'accord. Bon, j'espère que cette dame va toujours bien et que cette sélection l'a aidée à aller mieux, en tout cas. Et donc, j'aimerais aussi revenir sur la sélection des images. Comment est-ce que ça se passe? Parce que bon, vous aviez des espèces en tête, j'imagine, mais comment est-ce que vous avez accès à ces banques de données? Ce sont des banques de données avec des images que vous devez payer. Enfin, est-ce qu'il y avait des critères de sélection pour les images autres que le Wahoo? Parce qu'il y a des espèces qui sont toutes belles, mais comment choisir la photo? C'est une série qui nécessite un budget iconographique assez conséquent. Donc, puisqu'à chaque fois, effectivement, il faut choisir 100 photos. Et ces photos-là, on va les chercher dans des banques d'images, chez des agences spécialisées de type National Geographic, Biosphoto, il y en a des tas. Et donc, il a fallu trouver les bonnes, il a fallu discuter, il a fallu négocier. Et bon, il y avait aussi des questions de contraintes budgétaires. Hein. Il y a des photos plus chères que d'autres. Mmh. Et pour ce qui est de la couverture, par exemple, moi, j'étais persuadé que ce serait très compliqué de l'avoir parce que c'est une photo qui a gagné le prix de la meilleure photo animalière de 2018. J'étais sûr que déjà, le photographe donc serait pas forcément chaud pour nous la vendre. Et puis finalement, si. Et le prix était assez accessible. Donc voilà, on a pu avoir toutes les images qu'on voulait sans trop de problèmes. Et parce qu'il y a aussi le côté de la rareté, parce que outre qu'il faut que la photo vous plaise et soit jolie, il y a des espèces. Moi, par exemple, j'étais très contente parce que dans le livre, il y a une des bestioles que moi j'aime beaucoup, qui est la panthère nébuleuse. C'est une bestiole dont on ne sait presque rien dans le milieu naturel. Donc pour trouver des photos de l'animal dans son milieu, j'imagine que ça doit pas être non plus super évident. Et c'était très compliqué aussi de s'assurer que les photos qu'on observait étaient le plus fréquemment possible des photos prises en milieu naturel. C'est pas facile. Et donc, je me souviens moi, notamment pour une espèce de nudibranche, le dragon bleu des mers, qu'il a fallu que je démontre à l'éditrice, parce qu'elle pensait pas que c'était possible d'avoir une photo aussi impressionnante en milieu naturel, que ça n'a pas été une photo en aquarium. Donc il a fallu que je retrouve qui était le photographe, montrer la série de photos. Et oui, c'était pris sur la plage. Donc oui, une belle photo comme ça. Et ça, le critère du milieu naturel, c'est vous qui vous voulez imposer ou c'était une volonté de l'éditrice ? Non, c'est vraiment l'éditrice qui nous a dit que de préférence, il fallait que. Je soupçonne cette demande, je souviens que cette demande est née du fait qu'elles n'étaient pas convaincues par la photo et elles ont dû se dire bon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour qu'ils changent de photo, parce que je vois pas ce que ça peut faire. Mais bon, après c'est sûr qu'évidemment c'est mieux si c'est dans un milieu naturel, puisque bon, l'idée voilà, c'est quand même de faire un bouquin sur la nature. Bien sûr. Mais bon, c'est sorti un peu nulle part ce truc là Oui, et puis vu qu'il y a des espèces qui sont dans des milieux malheureusement très dégradés, c'est pas non plus toujours l'idéal quoi. On vous laisse souffler et vous émerveiller pendant une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était Chasing Love, des voix de Gemma avec Adrien Young. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Patrick Beau, vidéaste, créateur de la chaîne Axolot, auteur et curieux professionnel, ainsi que Pierre Kerner, maître de conférence en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot et à l'Institut Jacques Monod, mais également vulgarisateur, blogueur, podcasteur et écrivain. Ils viennent nous présenter le fruit de leur collaboration, le livre Nature secrète paru chez Dunod. Alors, on le disait avant la pause, vous êtes les auteurs de l'ouvrage Nature secrète, qui met sous le feu des projecteurs des espèces d'animaux, de plantes et de champignons méconnus du grand public. Et pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais qu'on explore un peu ensemble la belle biodiversité de cet ouvrage. Alors, la couverture, on l'a un peu évoquée tout à l'heure, elle est quand même très marquante. C'est le but d'une bonne couverture. Alors moi, je voulais savoir qui a choisi l'animal qui orne la couverture et pourquoi cet animal-là en particulier. Ben, donc c'est des rhinopithèques de Roxelane, donc c'est des singes extraordinaires, quoi. Ils ont le visage bleu, une fourrure rouge, et ben voilà, quand on a vu cette photo, il y avait quelque chose d'assez évident, parce qu'elle est vraiment très très belle et très représentative. Moi voilà, j'étais convaincu que ce serait compliqué, très compliqué, mais je pouvais pas espérer mieux, quoi, vraiment. Et donc, ça l'a fait. Je trouve qu'elle représente à la fois le côté merveilleux, vraiment, parce qu'on a une sorte de scène un peu magique, comme ça, un peu irréelle, cette mère avec son enfant dans la jungle. On dirait même que c'est mis en scène, alors que c'est non. Ensuite, évidemment, il y a cette dimension insolite, quoi, de l'aspect du singe. Et puis, en plus, c'est une espèce qui a ce nez en creux, là, qui est caractéristique. Et puis voilà, le côté méconnu aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en tombant sur la couverture, ont dû s'arrêter en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce singe ?» Donc voilà, ça réunissait tout. Et puis, il y a évidemment la beauté de l'image. Ouais. Donc le Rhinopithèque s'est installé rapidement, c'était le choix le plus évident. On savait qu'on allait en parler de toute façon dans le livre, mais pour le choix de la couverture, c'est vraiment quelque chose de très très très important. Il y a eu énormément de discussions pour pouvoir choisir quelle espèce allait être représentée. Est-ce qu'il y allait y avoir une espèce représentée ou juste un paysage ? Il y avait beaucoup de questions là-dessus. Et personnellement, je suis content parce que la première couverture qui avait été soumise, c'était une très très belle photo d'un oiseau paradisier. D'accord. Qui était au-dessus de la jungle, très très évocatrice. Mais je trouvais qu'elle était trop éloignée du sujet. De l'animal, ouais. Et donc, parmi toutes les photos que je connaissais, justement, je suis arrivé avec celle-là. Et donc, bien entendu, Patrick était enthousiaste, mais il m'a dit... Pierre, ça ne marchera jamais. C'est pas possible que cette photo fonctionne parce qu'elle va être trop chère, parce que ça a été un prix. Moi aussi, je la connais. Ça va être... Donc, moi, j'entretenais cet espoir. Peut-être mon optimisme naïf, mais j'entretenais l'espoir que ça finisse sur la couverture. Mais c'est vrai qu'on a échangé énormément d'autres potentielles couvertures. Mais par contre, que ce soit une entrée à l'intérieur du livre, ça, c'était obligatoire. Ça, c'était clair dès le début. Ouais. OK. Et alors, je voulais aussi essayer d'aider un peu les auditeurs à découvrir ce qu'il y a dans le livre sans tout dévoiler non plus, bien sûr. Quels sont les animaux que vous vouliez absolument voir figurer dans l'ouvrage dès le début du projet ? Quand on vous a dit, bon, un livre nature secrète, premières idées, les premières espèces qui vous sont venues à l'idée en se disant celui-là, il faut absolument qu'il y soit. Ben, il y en a un paquet à énumérer là. Je pourrais pas toutes les faire. Oui, bien sûr. Disons que voilà, l'axolote, là, c'était assez évident pour des tas de raisons. La crevette mante pan, squille multicolore aussi, qui est vraiment emblématique aussi du type d'espèce qu'on trouve dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme espèce pour moi, en fait, à partir du moment où il y avait des animaux ou des plantes, voilà, qui avaient vraiment un aspect extraordinaire et étonnant, ça cochait les cases. Je pense aux grenouilles empoisonnées d'Amérique du Sud, toutes les plantes qu'il y a dedans, enfin une grande partie en tout cas, se sont imposées pour moi comme une évidence dès le départ, comme l'eucalyptus arc-en-ciel, comme la raflésie, l'arôme titan, enfin... Voilà, il y en a beaucoup qui étaient dans ma base, on va dire, depuis longtemps. Et puis ensuite, voilà, c'est un travail de recherche et de tri. Pour en trouver des nouveaux. Et toi, Pierre, tu avais... De mon côté, moi, j'avais un défi. C'était de fournir des espèces parasitaires à l'intérieur du livre. Donc, ils sont quand même souvent assez peu ragoûtantes, il faut exactement. Bien dire. Et du coup, c'était une manière aussi de réconcilier les gens avec cette idée que le parasitisme, c'est pas nécessairement moche. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai surpris Patrick en faisant des suggestions, notamment une dont je suis particulièrement fier, c'est Simoto Aixiga. C'est ce que j'allais dire. Dans lequel, en fait, c'est une espèce crustacé qui prend la place de la langue des poissons. Et donc, la photo que j'ai fournie, j'ai fourni à Patrick la suggestion. D'abord, Simoto Aixiga, est-ce que c'est possible ? Bah non, Pierre, c'est dégueulasse. C'est quand même un parasite qui occupe la langue. ça n'a pas fonctionné. Il ne cochait pas toutes les cases sur le papier. Sur le côté merveilleux, bon, bof. Et là, j'ai trouvé la photo, mais j'étais à peu près sûr de mon coup. C'est une photo qui est vraiment adorable, dans laquelle on voit un poisson clown qui ouvre la bouche béante et on voit deux petits yeux blancs, enfin noirs, sur un fond blanc. En coco. Voilà, qui font coucou. Et donc, c'est adorable. J'ai feuilleté l'ouvrage et quand j'ai vu cette photo, j'ai instantanément pensé, ça, c'est Pierre. Donc, les espèces parasites. Donc, un beau succès. On peut faire rêver avec les parasites. Rien n'est impossible. Une autre question aussi un petit peu difficile, sans doute. Je voulais savoir si, là, comme ça, vous vous souvenez de ceux que vous aimiez tendrement, mais qui n'ont pas survécu au final cut, qui ont été écartés de l'ouvrage définitif après de longues tergiversations. Moi, il y avait une couleuvre multicolore qui me plaisait bien, mais voilà, l'éditrice nous a dit qu'il y avait déjà trop de serpents et que, bon, forcément, c'était pas très ragoûtant, etc. Bon, le truc, c'est qu'elle a été remplacée par mieux. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de regret, quoi. Ouais. Personnellement, il n'y a pas une seule espèce que j'aurais vraiment voulu voir dans le livre qui ne s'y est pas retrouvée. D'accord. Donc, voilà, on a toujours trouvé plus intéressant, plus satisfaisant, ouais. Bon, de mon côté, mais ça, c'est un regret qui est justement qui rentre pas dans le cadre du livre. D'autres parasites. Non. Honnêtement, il y en a plus qu'assez à l'intérieur, donc je suis ravi sur cet aspect-là. Mais il y a des espèces qui sont, je trouve, très surprenantes, mais qui malheureusement peuvent trop effrayer. Et il y a notamment mon avatar, un poisson globe, mais bon, ça, c'est vraiment... Il a été élu à une certaine année animal le plus moche de la planète, donc il va pas figurer dans Nature Secrète, ça paraît normal. Et il y avait une araignée qui est très très très, je trouve, stylisée. Elle a un abdomen qui est contracté et dont la terminaison ressemble à une plaque d'égout japonaise, très très jolie, mais on voit l'intégralité du corps de l'araignée quand même, et c'est vrai qu'elle ressemble à une mygale, c'est peut-être trop effrayant. Elle peut être impressionnante. Ouais. Je comprends. Mais le blob, il me semble qu'il est plus moche dans les images que l'on a qu'en vrai, ça, puisque c'est un poisson des profondeurs. Quand on le remonte, la pression n'est pas à son avantage c'est non plus. Fou procès, c'est ça. Hein. Exactement. Mais même les représentations qu'on a du poisson avant de se faire écrabouiller, qui est moins moche en milieu naturel, sont pas fantastiques non plus. Faut pas se mentir. Bon, j'aurais essayé, hein, mais bon, définitivement le blob, non. Là aussi, au niveau donc de ces grandes recherches, donc vous l'avez dit, c'est un travail assez important. Est-ce qu'il y avait des espèces dont vous n'avez jamais entendu parler avant de faire ces recherches et que vous avez découvertes en, j'imagine. Alors là aussi, je vous embête parce qu'il faut en trouver une ou deux, mais est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit ? Oui, il y en a clairement qu'on a découvert en faisant les recherches. Là, tout de suite, est-ce qu'on a une qui me vient ? Ah, si, je me souviens, une qu'on a découvert ensemble, c'était la tortue qui fait la dernière page. Oui. La tortue qui juvénile a des sortes d'aspects d'engrenage très très métal, etc. Okay. Et ça, je crois que je l'ai découvert quelques jours avant. Après avoir commencé le projet, sur Twitter, etc. Donc on a fait des découvertes comme ça. Donc une tortue steampunk avec des engrenages. Ouais. c'est pas courant, faut bien le dire. Exactement. Ok, très bien. Ensuite, donc, comme on le disait, il y a un effet très waouh. Il y a aussi des espèces, et c'est aussi l'un des points forts du livre, qui sont très colorées, voire des espèces bioluminescentes, un peu surnaturelles. Donc dans cette catégorie-là, je me demandais quelles étaient pour vous les espèces les plus magiques parmi celles présentées dans l'ouvrage, celles qui sont le plus propices à susciter l'émerveillement avec ses couleurs et ses côtés un peu disco-paillettes qu'on peut retrouver. Donc parmi les espèces bioluminescentes ? Bioluminescentes ou très colorées, un truc qui fasse vraiment too much pour que ce soit vrai, mais en fait si. Parmi les bioluminescentes, intéressante. Il y a les larves de mouches dans les grottes de Waitomo, donc qui sont plus poétiquement appelées les lucioles. Non, c'est vraiment des larves qui sont, enfin, qui font donc pendre du plafond une espèce de fil gluant pour capturer les insectes. Et concrètement, ça donne une espèce de spectacle absolument féerique. La grotte et le plafond de la grotte est couvert de ces filaments luminescents, donc c'est vraiment très très beau. Et pour les espèces colorées, pour moi, c'est clairement les nudibranches qui sont vraiment hors catégorie, quoi. Il y a très très peu d'espèces qui peuvent rivaliser en termes de couleurs, en termes de formes. C'est vraiment incroyable. Ouais. Oui, ouais. Et pour moi, en fait, donc cette espèce Arachnocampa luminosa fait des ciels étoilés. Ce sont des espèces cavernicoles. Donc cette cave de Waitomo, on peut la visiter dans une barque et se retrouver avec un ciel étoilé alors qu'on dans est une cave. Voilà, dans une cave. C'est quand même complètement aberrant. Mais celle qui m'a le plus surpris, c'était des espèces de céphalopodes, donc de pieuvres. Mais à vrai dire de sèche, bioluminescente, ça aussi j'étais très très surpris. Il faut savoir quand même que c'est assez compliqué de retrouver des espèces bioluminescentes qui fournissent de belles photos. Bah oui, complètement. Moi j'en ai trouvé certaines qui pouvaient m'intéresser, des poissons avec des sortes de bajoux luminescents. Je me suis dit, ah ça ce serait très beau, mais en fait finalement ces images-là sont plus évocatrices lorsqu'on les voit en vidéo. D'accord. Pareil pour les lucioles, il y a énormément de phénomènes. Il y a du mouvement, quoi. Voilà, typiquement, ouais. Il y en a une qui me revient à l'esprit, là, qui coche toutes les cases, c'est la sèche flamboyante, qui le est nom, vraiment incroyable. Bah, déjà, il y a les couleurs, et puis il y a les motifs, quoi. Donc elle change de motif, elle peut changer ses couleurs. Il y a des motifs fluctuants, et c'est juste hallucinant. Mais là aussi, ça prend vraiment tout son intérêt en vidéo. Donc la photo est très belle, hein, mais c'est quand ça bouge que c'est le plus incroyable. Ouais. Exactement. Donc là aussi, pour trouver la bonne photo qui essaie de rendre un peu ce qu'on peut voir quand ça bouge, j'imagine que c'est aussi un travail important. Oui, le texte permet aussi un petit peu d'évoquer ces phénomènes-là, mais ça reste compliqué. Et ça aussi, le texte, on ne l'a pas beaucoup évoqué. Comment est-ce que vous l'êtes réparti, en fait? Parce que vous deviez travailler tous les deux sur la même espèce. Est-ce que... La répartition était identique à celle de Terre secrète. Donc, dans Terre secrète, moi, pour chaque site... Je faisais un article de présentation général, donc très, très vulgarisé. J'expliquais pourquoi, selon moi, le site était intéressant. Quand il y avait des légendes à raconter, je les racontais, etc. Et donc Charles Frankel, lui, donc, écrivait à chaque fois un encadré plus technique, plus scientifique sur un aspect précis, par exemple la formation géologique dans l'endroit, etc. Et là, ça s'est passé de la même manière. Quoi. Pour chaque espèce, voilà, je faisais une présentation globale de l'espèce, je parlais de ce qui me semblait le plus intéressant, le plus surprenant, et Pierre donc faisait un focus sur un aspect plus pointu, plus scientifique. Sur une caractéristique de l'animal. Encadré technique, ouais. C'est-à-dire en vraiment expliquer un phénomène, évoquer quelque chose qui est représentatif soit de l'espèce, soit de l'animal. À vrai dire, il y avait aussi des plantes et des champignons qui étaient représentés. Ouais. Ok, donc un truc très complémentaire finalement, un travail complètement en accord. Revenons sur nos bestioles. J'avais envie de vous demander, malgré tous vos efforts, qui reste malgré tout le plus moche, avec une tronche un peu patibulaire qu'aucun filtre Instagram pourrait sauver? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui doivent être pas très jolis, même s'ils sont merveilleux avec des belles couleurs ou avec des caractéristiques. Dans le livre, qui figurent dans le livre. Il y en a quand même quelques-uns, j'imagine. Qui sont bizarres en tout cas. Bizarre, étrange. Il y a le ver marin, dit verbobite, mais donc on n'a pas opté pour ce nom parce que. Pour des raisons évidentes. Voilà. Et oui, c'est sans doute, je pense, l'espèce la plus monstrueuse qu'on ait dans le livre. Ça me surprend même qu'elle soit passée, en fait. Et la photo en elle-même est spectaculaire, elle n'est pas forcément très, très belle, même si c'est quand même. Voilà, c'est un ver qui a donc un aspect irisé assez surprenant. Avec des crochets, on dirait un piège à loup, quoi, à la place de la bouche. À mon avis, c'est celui-là qui était le moins évident, peut-être visuellement à placer. Ouais. Bon, alors moi, ça me fait un petit peu souffrir, parce que moi, je travaille sur des vers marins. Sincèrement. Faut pas le prendre personnellement. Non, mais en même temps, vu ce que je leur fais en laboratoire, c'est un peu juste titre. Bon, c'est vrai que le faciès, c'est quand même pas facile. Particulier. Mais en plus, ce qui est fascinant, c'est que si on avait mis des vidéos, ça aurait été encore pire. Parce que quand on voit des vidéos qui de ces vers en train de capturer des poissons, etc., c'est quand même une scène digne de Star Wars avec le Sarlacc. Ouais. On est vraiment, hop là, il est happé et hop, c'est fini. Ouais, c'est assez terrifiant. Mais malgré tout, c'est validé, ça fait quand même rêver. Donc là aussi, une belle prouesse. On peut faire rêver avec des vers marins. Et au contraire, peut-être qu'il est plus simple comme question, lequel est pour vous le plus choupi? Ah, c'est plus facile par contre. Il y a plein de candidats pour la choupitude. Pour moi, l'axolote est imbattable hein, sur ce plan-là. Voilà. Après, c'est vrai que je pense que ton parasite avec sa tête de smiley là, cachée dans le poisson, il est pas mal aussi. C'est vrai qu'il est assez kawaii. le plus choupi à l'intérieur, j'ai pas pensé à ça. Moi, mais c'est vraiment très personnel, c'est pas nécessairement la photo qui le confère, mais l'échidné. Je trouve ça vraiment adorable, mais il faut le voir aussi dodeliner un tout petit peu en marchant. Quand ça marche. Exactement. Et en fait, il a les pattes postérieures retournées. Et du coup, vraiment, il marche avec un peu une allure de hérisson bourré. Et c'est vraiment très, très, très charmant. Quoi. Oh, j'ai oublié les lièvres arctiques, qui sont vraiment des boules de neige. Voilà, des boules de neige poilues. C'est quand même fluffy et mignon, j'avoue que... Bon. Pour conclure cette émission... Je ne suis pas très gentille, je vous pose sans doute la question la plus compliquée. Parce que, en fait, le rhinopithèque de Roxelan, on vous l'a peut-être dit, il a été mis un petit peu en lumière, puisqu'on le retrouve dans la série Is Dark Materials de BBC, qui adapte à l'écran les romans À la croisée des mondes de Philip Pullman. Une excellente série que je conseille à tous les auditeurs qui n'ont pas encore vu. Et dans cet univers fantastique, chaque être humain est doté d'un démon, un morceau d'âme qui prend l'aspect d'un animal et l'accompagne sa vie durant. Donc les domestiques sont souvent accompagnés de chiens, les marins d'animaux aquatiques et les sorcières volent au gré des vents avec des démons ou oiseaux. Donc le démon révèle ce que l'humain est au plus profond de lui-même. Alors vous allez sentir la question arriver. Selon vous, quel aspect prendrait votre démon ? Juste par rapport à ça... Je dois préciser que, à plusieurs reprises, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Mais pourquoi il y a le démon de Madame Machin sur la couverture ?» Et je ne comprenais absolument pas de quoi il s'agissait. Donc après, surtout qu'en plus, c'est un personnage très ambigu, Madame Coulter. On ne va pas trop spoiler l'histoire, mais son démon aussi n'est pas forcément présenté toujours sous le meilleur jour. Du coup, j'avoue que ça m'a un peu contrarié, parce que je me suis dit « Bah zut, alors si l'animal est présent dans une série à succès, tout le monde va le connaître, alors bon voilà. Mais Après, il y a eu d'autres, parce qu'il y a une autre adaptation de ces romans-là avec Nicole Kidman et son singe avait un autre aspect, c'était plus un tamaralion doré. Parce qu'en fait, dans les livres, il est décrit comme un singe doré. Mais des singes dorés, il y en a tout plein. Aussi, moi, très honnêtement, quand j'ai lu les bouquins, je pensais plus à Lantel, qui est un singe indien qui a des poils très dorés, mais qui a la face noire. Donc eux, ils ont choisi le rhinopithèque. Oui, c'est d'accord, voilà. Une libre interprétation. Une libre interprétation, tout à fait. Bon, alors donc. Le démon. Quel démon choisirais-je? Moi, c'est easy de dire l'axolote, évidemment, mais c'est trop facile d'ailleurs, il faut que je cherche. Peut-être que toi, tu sais déjà. Alors, on n'est pas obligé de le choisir dans la Nature Secrète. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Mais il y en a quand même un dans Nature Secrète qui correspond à peu près à moi. Donc, ça dépend de mon état d'âme, justement. Il faut que ça représente quelque chose de votre âme. Alors, quelque chose d'assez fréquent, c'est que moi, j'aime bien manger. Et donc, le dugong. Ah, on m'a souvent fait la réflexion que je mange pas très très proprement et de manière assez goulue. Et si vous avez déjà vu un dugong brouté comme ça, ça ressemble à peu près à moi quand je mange ma salade ou ma pizza, etc. Et il a un air bonhomme, c'est-à-dire un air bonhomme, voilà, et que je trouve assez bien. Et il y a des moments où je suis un petit peu rêveur et je me prends des portes, etc. Si vous avez déjà vu des lamantins ou des dugongs se prendre des vitres d'aquarium, c'est exactement à peu près ce à quoi je ressemble le matin, pas trop réveillé. Donc voilà, j'aime beaucoup la comparaison. Mais du coup, le dugong ou les lamantins, pour ceux qui ne visualisent pas trop, donc c'est ceux que les marins ont pris autrefois pour les sirènes, mais en moins élégant, on peut le dire. Ils font partie du groupe des siréniens. On a l'impression que ça ressemble à des cétacés, dauphins, etc., mais en mode patapouf. En plus massif, oui. Exactement. Rond. Donc en gros, vous prenez un éléphant, vous lui coupez les pattes postérieures, vous lui enlevez la trompe et vous avez un dugong. Un dugong. Voilà. Tout à fait. Et du coup, Patrick. J'ai pas mieux, donc je vais rester sur la réponse facile. Voilà, sur l'axolote. Il faudrait que je réfléchisse plus longtemps. Mais qui est un animal aussi très cool, parce que l'axolote a plein de super pouvoirs dont on n'a pas parlé. Il peut faire repousser des bouts de corps, il reste à l'état néothénique petit. Et éternellement jeune, comme Patrick. Exactement. pour moi, c'est vraiment l'incarnation de ouais, de l'aspect extraordinaire du vivant, quoi. Il y a ses super pouvoirs, il y a son allure, son visage. Son sourire fixé sur voilà, la tête. Voilà, absolument. Donc, si j'avais choisi ce nom-là et cet animal-là il y a 10 ans pour en faire la mascotte du blog au départ, c'était bien pour ça. Donc, non, en fait, je pense qu'encore aujourd'hui, ça correspond L'axolote, pas mal. L'axolote, ouais. C'est très ouais, bien. Ouais. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Patrick, et merci, Pierre, d'être venu nous émerveiller avec les fantastiques protagonistes de votre ouvrage Nature Secrète. Je mettrai bien entendu tous les liens internet avec le podcast, mais vous pouvez retrouver dès à présent tous les projets de Patrick Beau sur son site www.patrickbeau.fr ainsi que sur sa chaîne YouTube Axolot. Et toute l'actualité de Pierre Kerner est sur l'incontournable blog Strange Stuff and Funky Things à l'incroyable bannière animée à l'adresse ssaft.com. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils de lecture. Pour finir cette émission, je voulais vous conseiller quelques ouvrages. Tout d'abord, et bien évidemment, impossible de faire l'impasse sur l'ouvrage présenté par nos invités aujourd'hui. Il s'agit du livre « Nature secrète » de Patrick Beau et Pierre Kerner et publié chez Dunod. Ce beau et grand livre de 223 pages inventorie 100 espèces incroyables du monde vivant, aussi bien animaux, végétaux que champignons. L'ouvrage est très richement illustré et le texte, composé d'une présentation de l'animal, riche d'anecdotes curieuses, s'accompagne d'encarts qui détaillent des informations sur la biologie de ces créatures. Vous serez surpris par la limace léopard et son saut à l'élastique nuptial, éberlué par les couleurs des faisans de Lady Amherst et impressionné par les palmiers à cire géants du Quindio. Un ouvrage réjouissant qui vous invite à la découverte. Dans la même veine, je ne peux que vous conseiller un second ouvrage de Patrick Beau et du dessinateur Zalk, qui prend cette fois la forme d'une bande dessinée parue chez Delcourt comme un hors-série de la série Axolot qui comporte 4 volumes. Cet ouvrage élégant, dans un format original à l'italienne, présente plusieurs animaux étonnants aux mœurs qui le sont tout autant. Du bizarre cacapo aux manipulations de parasites, en passant par les comportements sexuels exotiques des punaises de lit et des porcs épics, vous serez surpris, impressionné, dégoûté peut-être, mais forcément amusé. Les strips comiques de Zalk sont courts, percutants et très efficaces. Je vous le recommande chaudement. Pour ce qui est de la chronique, j'ai tiré mes inspirations de plusieurs ouvrages de biographie animale. Le premier s'intitule « Ces animaux qui ont marqué la France » de Pascal Assema, paru chez le Papillon Rouge éditeur. Ce livre présente de manière concise, 5 pages tout au plus, diverses anecdotes mettant en scène des animaux célèbres français de toutes les époques. De la découverte du Sélacanthe aux aventures de Ratintin, en passant par le perroquet de la Vive Ville ou Chiquita, le guépard de Joséphine Baker, l'auteur vous fait découvrir un bestiaire cocasse et original. Chacun de ces contes, qui constituent les 286 pages de ce livre, se picore avec plaisir. Le second livre s'intitule « Histoire des animaux célèbres » de Marie-Hélène Bellac et paru aux éditions Perrin. Cet ouvrage de 315 pages, richement sourcé, présente des biographies d'animaux par catégorie. Animaux d'agrément, compagnons de guerre, héros, cadeaux diplomatiques, retraçant ainsi des siècles de cohabitation homme-animal. La fin de l'ouvrage est consacrée au statut de l'animal et à ses représentations symboliques dans les sociétés humaines. Un très bon livre qui, en plus d'être instructif, permet de se poser les bonnes questions. Le dernier livre s'intitule « Biographie animale », écrit par l'historien Éric Baratet et paru aux éditions du Seuil. Ce livre, extrêmement bien documenté, se propose de remettre l'animal au centre d'histoires humaines et propose un regard éclairant et original sur ses parcours de vie animaux. Un ouvrage inspirant à lire absolument. Et c'est déjà la fin de notre émission, une émission un peu particulière dédiée à Dame Cornélie, merveilleuse conteuse, partie faire rire les étoiles. Un très grand merci à François Berchenko et à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.